بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كما في لقاءات الباب المفتوح la 45e question de la 5e assise، قال سائل: إذا مررت بعمال ولا أدري ما يظهر من حالهم، هل هم مسلمون أو كفار؟ كيف يكون السلام عليهم؟ C'est une question طيبة que beaucoup de muslims ils ont besoin, خاصةً ceux qui vivent dans un pays où il y a des musulmans, des croyants et des kuffars. فأحياناً ça arrive que tu passes devant une personne et tu ne sais pas si cette personne fait partie des musulmans ou autre que les musulmans, من الكفار. Est-ce que tu passes le salam? قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا مررت بقوم لا تدري أمسلمون هم أم كفار. Si tu passes devant une personne ou plusieurs et tu sais pas مثلا si cet homme c'est un musulman أم un kafir, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu dis salam alaykoum أم لا؟ خاصة أحيانا ça nous est déjà tous arrivé, tu passes et tu sens qu'il te regarde et أنت tu le regardes et tu sais pas est-ce que tu dois le salam أم لا, tu attends et هو il te passe pas le salam et أنت tu sais pas est-ce que c'est un musulman ou pas. Qu'est-ce que tu dois faire? قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فانظر ما يترجح عندك سواء في هيئة اللباس أو في أشكالهم. La première étape, tu regardes cet homme مثلا et t'essayes de rapidement bien sûr, et هذا ça vient très vite, t'essayes de voir est-ce que c'est un musulman أم لا. Peut-être un vêtement, peut-être une façon de parler, tu l'entends dire une chose مهم. Tu vas t'apercevoir très très vite est-ce que c'est un musulman أم لا. قال فإن لم يوجد مرجح. Dans certains cas, tu n'arrives pas à distinguer, à savoir pourquoi. Et هذا في الحقيقة c'est important de faire la remarque أن بعض المسلمين c'est des مسلمون. Et بعضهم ils font des efforts dans certaines choses, dans salat, dans siyam et la akhira. لكن ils ont un très grand problème dans l'apparence. هذا tu sais même plus. Tu sais même plus est-ce que c'est un مسلم أم لا. ففي هذا الحال قال الشيخ ابن عثيمين فإن لم يوجد مرجح فانظر إلى الأكثر في هذا البلد. Donc, أولا, avant de passer à l'étape suivante, ça montre qu'on doit donner de l'importance à l'apparence. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. Ce hadith il montre qu'on a dans le corps, il y a un morceau de chair. S'il est bon, tout le corps est bon. S'il est mauvais, tout le corps est mauvais. Ça nous montre le lien entre le cœur et l'apparence. Fais attention à l'ambiguïté que certains y propagent. La foi, c'est dans le cœur. Et c'est que dans le cœur. Tu peux avoir une mauvaise apparence, là, mais tu as la foi dans ton cœur. La foi, elle est liée à l'apparence. Celui qui a énormément de foi, ça se verra dans son apparence. Celui qui croit en Allah, subhanahu wa ta'ala, en son messager, sallallahu alayhi wa sallam, au jour dernier, au Coran, à la sunna, là, chacun a, par rapport à sa croyance, il mettra en application. Et parmi la mise en application qu'il va effectuer, c'est le suivi du prophète, alayhi salatu wassalam. Il y en a, quand tu aimes une personne, tu la suis. Ça ne veut pas dire que celui qui est habillé comme un kafir, il n'aime pas le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Là, il n'y a aucun doute qu'il y a des faiblesses dans la foi de celui qui ne fait pas d'efforts dans l'apparence. Donc on fait des efforts. En gros, à cause de ce manque d'efforts, cette question elle a été posée. C'est devenu un problème. Et rien, ça va loin. Il y en a un. Et c'est déjà arrivé. Il te dit, mais pourquoi tu ne me passes pas le salam? Et il pense que tu as de l'orgueil. Et surtout quand tu es habillé avec la sunnah, tu ne passes pas le salam, pas parce que tu n'as pas envie de lui passer le salam. Tu n'as même pas pensé un instant que c'était un musulman. Il se vexe. Et croit que tu les prends de haut et que tu as de l'orgueil. Alors que là, le problème, il vient de quoi? Ya akhi, on fait tous des efforts. On est ummatu nabiyina Muhammad alayhi salatu wassalam. Et ça doit être une fierté pour nous. Les koufars, ils font aucune concession sur leur apparence. Tu as déjà vu un kafir qui essaye de suivre un musulman? Il déteste l'apparence du musulman, homme ou femme. C'est pour ça que si tu veux savoir vraiment est-ce que les koufars, ils te respectent, ils te tolèrent, etc., habille-toi comme le prophète, alayhi salatu wassalam, il s'habillait. Et tu verras. Tu verras le changement de regard et tu verras le changement de situation comme il est brusque. Si tu n'arrives pas donc à savoir, tu n'as aucun indice. قال الشيخ ابن عثيمين فانظر إلى الأكثر في هذا البلد إن كان الأكثر في هذا البلد مسلمين فسلم عليهم وإن كان الأكثر في هذا البلد غير مسلمين فلا تسلم. كلام فقيه رحمة الله عليه. Ça, c'est la parole d'un savant. Alors, il a cité cette solution. Tu regardes, est-ce que ce pays, les habitants, c'est plus des musulmans ou plus des kuffars? Maintenant, si tu es en Europe, enfin, l'Europe, c'est des pays de kuffars, et tu ne distingues pas, là-bas, tu ne passes pas salam. Pourquoi? Parce qu'il y a des grandes possibilités que ça ne soit pas un musulman, que ça soit un kafir. On qadr, tu es en Algérie, tu es au Maroc, tu es en Arabie Saoudite, tu es au Yémen, mohim, dans un pays musulman, et tu rencontres cet homme, et en apparence, au début, tu regardes, tu vois pas si c'est un musulman, là-bas, c'est que c'est un musulman. Tu lui passes le salam. Dans le premier cas, même si c'était un musulman et tu ne lui as pas passé le salam, là, chacun a le fait de passer le salam, à la base, c'est pas obligatoire, c'est une sunna. Lakin, tu n'as rien à te reprocher. Même si Ouai te dit, mais pourquoi, tu lui expliques. Donc, tu n'as rien à te reprocher. Dans le deuxième cas, même si tu as passé le salam, Thomas Wahed, il t'informe, il te dit, mais c'était un kafir, cette personne, je le connais, c'est un chrétien, c'est un juif, c'est un kada. Tu n'as rien à te reprocher. L'imam Al-Yana, tu as appliqué cette règle. Thomas Kal, Shir Mu'adhimin, Wayajouz Antakul, Assalamu ala al-Mu'minin, ou man yittaba al-Huda. Lakin, Ghalib al-Ummal, Haoula, Layef Hamoun, Ma'na, Assalam ala man yittaba al-Huda. Thomas Shir Mu'adhimin, il a cité l'imam Al-Yana, la question, elle a été posée sur certains Ummal. Certains travailleurs, maintenant en Arabie Saoudite ou dans d'autres pays, certains travailleurs, ils viennent de certains pays, ce n'est pas des musulmans. Fashir Mu'adhimin قال, c'est permis aussi de dire Assalam ala al-Mu'minin. Aïe le salam sur les croyants. Ou salam ala man ittaba' al-huda. Aïe le salam sur ceux qui suivent la guidée. Aïe si suit la guidée, le salam sur lui. Si je ne suis pas la guidée, pas de salam. Lakin, comme قال Fashir Mu'adhimin, rahimahullah, al-ghalib, la plupart, ils ne comprennent même pas. Tu vas lui dire Assalam ala man ittaba' al-huda, il ne comprend même pas. Ben, ça peut impliquer d'autres choses. À la kulli hal, on applique hadal kalam at-tayyib. Et on fait des efforts sur l'apparence. Et kadhalik, on n'oublie pas le cœur, c'est la base. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite. Et naktafi bihada. Walhamdulillahi rabbil alameen.